En Corée du Sud, le 19 courant, la quatrième action de toute la population se tème « Rassemblons-nous » à la porte Kwanghwa, illuminons, sur toute l'étendue du pays, pour la démission de Bakune. Cette tenue simultanément partout, sous les auspices de l'action de la population extraordinaire pour la démission du pouvoir de Bakune, constituée de quelques 1550 formations civiles et sociales. Y ont pris part 1 million et 100 000 de milliers de masses, comme les ouvriers, les jeunes et enfants, ainsi que des délégués des partis de l'opposition, comme le Parti démocrate de Boulot, le Parti de la population et le Parti de la justice. À Séoul, plus de 740 000 personnes se sont réunies. Des presses étrangères ont fait part qu'à travers les manifestations, la population a montré une réaction forte à Bakune, qui a refusé l'enquête du parquet, et que la volonté est manifestée de continuer les manifestations jusqu'à la réalisation de l'objectif. Par ailleurs, selon Yonhap et la radio MBC, le 18 courant, des étudiants sud-coréens aux universités de Washington, de Georgetown et de Maryland ont publié des déclarations d'actualité, alors qu'à Rome d'Italie, des ressortissants coréens et des étudiants sud-coréens ont tenu le 19 un rendez-vous pour revendiquer la destitution de Bakune.